sur le battement, je me réveille. D'un silence de traître, ils sont passés par la grande porte, moi je vais passer par la fenêtre. Je suis revenu pour confirmer à ceux qui se demandaient peut-être. Non, le hip-hop n'est pas mort, je suis là pour le faire renaître. Je suis pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pas oublié qu'à la base le hip-hop c'était pas pour briller, mais pour défendre des causes, des valeurs, mettre en prose nos malheurs et inspirer autre chose que de la peur pour faire valoir nos droits. Ils ont dit non à la violence, on fait le choix de prendre le micro et d'être des porte-parole pour la jeunesse des ghettos. Yeah. Des MC plein de convictions comme en mission, pratique leur art sans condition, sans battre les couilles des candidats, ça en dit long sur la mentalité d'avant. C'est flagrant comme les valeurs se perdent maintenant, c'est navrant. Yeah. Ne pas les étonner, venez pas me questionner sur cette évolution. Oui, c'est bien vous les premiers responsables de cette déperdition. Un moment va falloir vous remettre en question et apprendre la leçon. Vous parlez d'autotune, de rap sans fond et de surproduction, de ces morceaux à tube, de clips bourrés de pub. Mais vous négligez totalement les rappeurs conscients sur YouTube. C'est ironique, n'est-ce pas? Vous obligez les rappeurs à faire ce que soi-disant vous n'aimez pas. On se plaint pas de l'odeur lorsqu'on vient de pisser dans ses draps. Le rap n'est pas mort et il était sûrement pas mieux avant. La preuve c'est que tu m'écoutes là. On m'a dit hey cette prod vas-y découpe-la. Jusqu'à ce que tu sois convié à Coachella. C'est pas la forme qui importe. Avec ou sans autotune tu peux faire du lourd. C'est plutôt le thème que t'abordes. Pas d'échec, je vais dire au roi que je viens fumer sa tour. Maintenant tout le monde croit pouvoir rapper. Parle de guns, de drogue, de tasse, tout ça avec un flow saccadé et une voix intimidante. Un texte post, lobotomie, le rap game, une grande imprimante. Ce sont tous des photocopies, y'a de la monotonie. Dans les propos qu'ils tiennent c'est du monopoly. Les rues leur appartiennent comme le poteau Tony. Traite les meufs comme des chiennes, puis grave coco aussi. Tous des acteurs posés à la même table passent leur temps à vendre du rêve. Ce sont eux les marchands de sable. Le vrai hip hop est en grève. Je redors le blason comme Jason. Je viens prendre la toison, je suis le poison. Les MC toiseront ma maison car je pique rap punchline à poison. Oh putain, la météo du rap annonce l'horreur. Je vais tout rafler dans le game. Hashtag Goldie Roger.